Merci d'être fidèle à la première, c'est l'heure d'Histoire vivante. Très bonne écoute. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Le 7 janvier 2002 débutait sur les antennes de la première l'émission Histoire vivante. 17 années plus tard, à l'heure des huiles solaires et autres onguents estivaux, nous vous invitons à replonger dans les eaux fraîches des archives. Bon, on ne sait pas si c'était mieux avant, en tout cas, ça donnait ça. Tout le monde est encore sous le coup d'une profonde émotion qui a bouleversé l'Europe à l'annonce des événements d'Autriche. Ce pays qui n'est plus que le croupion de ce qu'avait été l'Empire d'Autriche-Hongrie. Cette semaine, l'Autriche. De la fin d'un empire à la montée des extrêmes, une démocratie crispée. Est-ce que l'on peut dire aujourd'hui que vous n'avez plus aucun doute sur la responsabilité directe de Kurt Waldheim dans les crimes de guerre commis par les nazis en Yougoslavie? Je vous promets quelque chose de très concret. Je vous promets, si vous me conduisez au pouvoir, qu'on va en finir avec les privilèges. La participation de l'extrême droite aux militaires autrichiens constitue en effet un grave danger pour les libertés. Ce pays, nous le savons depuis quelques années, est à présent régulièrement à chacun de ses scrutins, observé à la loupe par une grande partie de la communauté internationale. En effet, au début de l'année 2000, l'entrée du Parti de la Liberté de M. Jörg Haider dans le gouvernement autrichien a quelque peu suscité une immense émotion. Cette année-là, l'Autriche est montrée du doigt, le spectre des vieux démons semble décidément toujours actif. Mais cette apparition sur l'avant-scène politique autrichienne ne doit rien, ni au hasard, ni à une brusque crispation qu'aurait pu connaître le pays. Il s'agit bien plus d'une lente désagrégation, d'une gangrène née d'un système qui s'est coincé tout seul. Ainsi le note Paul Pasteur, maître de conférences à l'université de Rouen, auteur de « L'Autriche, de la libération à l'intégration européenne », qui, dans un article qu'il a fait paraître dans Le Monde diplomatique du mois de mars 2000, écrit ceci. « De fait, les sociodémocrates et les chrétiens sociaux se sont, depuis le début des années 50, partagés les postes de responsabilité politique, administratif et économique, dans le cadre d'un dispositif non reconnu officiellement, mais effectif, qui s'appelle le Proporz. Les gouvernements sociaux-démocrates, au pouvoir pendant plus d'une dizaine d'années, n'ont pas modifié ce mode de fonctionnement. La gestion des antagonismes sociaux, qui a pour fonction d'administrer paritairement tous les aspects de la vie sociale, a conduit, petit à petit, à l'immobilisme. Ainsi, les syndicats négocient-ils avec les organismes patronaux sans faire appel à l'engagement individuel de leurs adhérents. Tradition égale négligence, rappelait le compositeur autrichien Gustav Mahler, mais décidément, nul n'est prophète en ces terres. Mais le pays ne s'est pas bloqué tout seul. Retour sur cette ancienne Autriche, avec avant un petit détour par la Belgique. Chapitre 1. Histoire parallèle. Sauf qui peut ! La police ! Vite, Arnoche ! À la voiture ! Les secours arrivent, mais trop tard. Bientôt, le roi en personne est sur les lieux. Alors Tintin, sorti de son évanouissement, lui emprunte sa voiture. Et c'est une poursuite infernale qui commence. Sur le point d'être rejoint, les individus abandonnent leur véhicule et se sauvent dans les montagnes qui séparent la Sildavie de la Bordurie. Deux hommes sont neutralisés par les Dupont-Dupont et Tintin donne la chasse au troisième qui s'enfuit avec le sceptre. Il n'est plus qu'à 50 mètres de la frontière. Ah, Milou, que faire ? Ah, oh, tant pis. Le sentier surplombe l'endroit où il doit passer. Une seule solution ? Je saute. Un, deux, trois. Ah, ouf ! Il était temps. à 2 mètres du poteau frontière. Ouf ! Et j'ai récupéré le sceptre. Bon, notre homme est au pays des songes. Voyons ses poches. Voyons cela. Au commandant de section de choc. Objet, prise du pouvoir. Rien que ça. J'attire votre attention sur ce qui suit. La veille de la Saint-Vladimir, nos agents provocateurs feront en sorte que des habitants de nationalité bordure soient molestés. Le jour de la Saint-Vladimir à 12h, les sections de choc occuperont le poste de Radio Clove PTT. Et c'est signé Muspler. Bon. Eh bien, Milou, il n'y a pas un instant à perdre. Allez, en route ! Lorsque Georges Rémy, alias Hergé, fait paraître, entre août 1938 et août 1939, cette nouvelle histoire de Tintin, le sceptre de Tokar, il prend bien sûr pour cadre les événements qui se déroulent sous les yeux du monde en Autriche. L'Autriche qui, menacée par l'Allemagne, s'est vue envahir dès le mois de mars 1938, devenant ainsi une nouvelle province du Reich. Cette période, que l'on appelle l'Anschluss, et dont l'historien Jean-Claude Favez nous rappelle la nature. En 1938, les choses ont changé, d'une part parce qu'Hitler est devenu un personnage considéré et considérable, et d'autre part parce qu'il a réalisé une série de coups réussis qui ont montré sa volonté de réaliser la plus grande Allemagne, et ce qui a réveillé, je dirais, chez les Autrichiens le sentiment de leur germanitude. Alors, pour expliquer ce sentiment, je crois qu'il ne faut pas oublier deux choses. Il ne faut pas oublier tout d'abord que l'Autriche se débat depuis les années 30 dans une crise économique et sociale considérable. Et puis, il y a derrière ces événements des années 30 une misère plus grande encore, qui est celle de ce pays né dans les décombres de la Première Guerre mondiale, de ce pays qui n'est plus que le croupion de ce qu'avait été l'Empire d'Autriche-Hongrie, qui ne comprend plus que les quelques millions d'Autrichiens parlant allemand, d'impériaux, si vous voulez, parlant allemand, et qui rêve encore, tourné vers son passé, de cette grandeur qui a subitement disparu en 1918. Alors je crois que crise matérielle, crise psychologique, crise de patriotisme, plus aussi tout simplement crise politique, dans la mesure où les deux familles politiques autrichiennes, à savoir les socialistes d'une part, les catholiques d'autre part, sont à ce moment-là violemment opposées. Il n'y a pas, je dirais, un patriotisme autrichien supérieur aux luttes politiques et façonné dans les limites de la nouvelle Autriche qui puisse permettre de surmonter les conflits politiques et les conflits psychologiques. En tout cas, point de doute quant à la comparaison entre l'aventure de Tintin et l'entrée des Allemands en Autriche. Dans le sceptre de Tokar, on assiste bel et bien à un Anschluss, celui que la Bordurie, un pays imaginé par Hergé, avec l'aide du chef de la garde d'acier, un certain Müstler, vous entendez bien la contraction Mussolini et Hitler, Anschluss que la Bordurie veut exercer sur la Cildavie. Si le héros d'Hergé parvient, dans la bande dessinée, à sauver la Cildavie, il n'en va pas de même dans la réalité. L'Autriche, ancienne immense puissance impériale, ne fait pas le poids devant la machine de guerre moderne inventée par le maître de l'Allemagne nazie, et les troupes d'Hitler occuperont bel et bien l'espace autrichien jusqu'à ce jour du mois de mai 1945. L'agence télégraphique suisse à Berne vous donne les dernières nouvelles. Nouvelles de l'étranger. Une nouvelle capitulation allemande. On a annoncé peu après 18h au quartier général allié que le groupe d'armée allemand G, commandé par le général Schulz, a capitulé. Les hostilités cesseront demain dimanche à midi. Il s'agit de la capitulation intéressant un front allant de Linz à la frontière suisse et comprenant notamment une partie de la Haute-Autriche, l'Obersalzberg, une partie du Tyrol et le Vorarlberg. Le moral des Allemands s'est considérablement affaibli ces derniers jours et l'on s'attend au quartier général de la 3e armée américaine à une prochaine capitulation de la Wehrmacht en Bohême et en Moravie. drôle de guerre, avait-on coutume d'entendre dans les années 40, parce que celle-ci n'éclatait pas. Drôle de libération, pourrait-on dire de l'Autriche après la capitulation allemande. Car de liberté, il n'est point véritablement question. Car l'Autriche de l'après-guerre est encore bien loin d'être un pays libéré. En 1948, la radio en fait état. Berlin, Palestine, énergie atomique, désarmement, les affaires se succèdent au premier plan de l'information. Elles ne reçoivent pas pour autant de solutions. Nous en avons un exemple, l'Autriche. Les Alliés étaient tombés d'accord pour ne pas considérer l'Autriche comme un pays ennemi, mais comme un pays libéré de l'emprise allemande. Mais l'Autriche attend encore son traité de paix, alors que des pays 100% ennemis comme la Bulgarie, la Roumanie ont le leur depuis un an déjà. L'Autriche a été découpée en quatre zones, comme l'Allemagne. Vienne, comme Berlin, a été divisée entre les quatre occupants. Mais à la différence de l'Allemagne, l'Autriche a un gouvernement reconnu et toutes les apparences de l'unité économique. L'occupation a un caractère exclusivement militaire. Mais il y a occupation. C'est parce qu'après l'alignement de la Hongrie et de la Tchécoslovaquie, devant la situation incertaine qui règne en Allemagne, la position stratégique de l'Autriche a une importance considérable pour les puissances occidentales comme pour l'Europe. Ce thème de l'Autrichien Anton Karas resta plus de 11 semaines numéro 1 aux États-Unis et fit le tour du monde. Il illustre le film de Carol Reed, Le Troisième Homme, avec entre autres le grand Orson Welles. Une histoire d'espionnage à Vienne sur un fond de guerre froide. The old Vienna before the war with its Strauss music, its glamour and easy charm. Constantinople suited me better. I really got to know it in the classic period of the black market. Vivante sur la première. Cette semaine, l'Autriche. De la fin d'un empire à la montée des extrêmes, une démocratie crispée. Chapitre 2. Vienne, Berlin, même combat. Pareil à sa très encombrante grande sœur allemande, l'Autriche, au lendemain de la guerre, se retrouve divisée en quatre zones placées sous le contrôle des Alliés. Car il ne fait plus de doute que l'Autriche est décidément bien un point stratégique majeur dans la nouvelle donne de la guerre froide. Ainsi, comme Berlin, Vienne est divisée en quatre secteurs contrôlés par les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'URSS et la France. Cependant, voilà deux ans déjà que le gouvernement autrichien a pu retrouver toute son autorité afin de légiférer et de pouvoir appliquer ses propres lois. Mais on se méfie encore amplement de l'Autriche et surtout des sympathisants nazis qu'elle semble avoir conservés en ses terres. En effet, si ceux-ci ont bien été écartés de toute vie politique, cela ne vaut que pour ceux qui étaient chargés d'un dossier criminel. En 1949, ceux des anciens nazis qui ont pu passer entre les mailles du filet de cette toilette juridique, participent aux élections générales. Et l'Autriche de cette après-guerre est une Autriche qui souffre. L'agriculture, les transports, les infrastructures routières, tout a été écrasé, éclaté, volatilisé dans le souffle brûlant de la guerre. La famine est à ce point ancrée que, de nouveau, comme avant-guerre, c'est vers l'aide internationale qu'on se tourne afin de venir en aide aux populations. C'est au début des années 50 que l'Autriche entrevoit le bout du tunnel. 1953, une date anniversaire que la petite République, occupée toujours par les forces alliées, entreprend de fêter avec toute l'opportunité qu'on peut imaginer. Au micro, Jean-Louis Lecourt. Dans le cœur de chaque Autrichien, le 30 octobre restera profondément marqué, et j'en suis certain plus particulièrement le 30 octobre de cette année. En effet, pour l'Autriche, cette date n'est pas une simple banalité, comme chaque jour X de la semaine, du mois ou de l'année, mais un anniversaire. Un anniversaire marquant, car il nous remonte 10 ans en arrière, il nous mène à Moscou, où le 30 octobre 1943, messieurs Hull, Eden et Molotov, respectivement ministres des Affaires étrangères des États-Unis, de Grande-Bretagne et d'Union soviétique, faisaient solennellement la déclaration suivante: l'Autriche est un pays libre, victime de la politique d'agression d'Hitler, elle doit être libérée du joug allemand. L'occupation de l'Autriche par l'Allemagne en mars 1938, poursuivait la déclaration, est nulle et non avenue. Cette promesse, bien que solennelle, était-elle vaine? Nul ne le sait. Mais aujourd'hui, 10 ans après, toute la classe laborieuse d'Autriche a cessé le travail pendant 5 minutes, le temps suffisant pour montrer au monde que la signature d'un traité d'État ne demande pas plus de temps, surtout dans un pays que l'on a affirmé ami. 10 ans après, j'ai près de moi Monsieur le vice-chancelier, le docteur Scherf, qui a bien voulu vous confier, mes chers auditeurs, le fond de sa pensée en ce jour d'anniversaire. À quoi estimez-vous, monsieur le vice-chancelier, ce retard dans l'application des termes de la déclaration de Moscou? Les années que nous vivons, ces années d'après-guerre, ont amené ce qu'on appelle la guerre froide, c'est-à-dire un antagonisme entre les anciens adversaires d'Hitler, entre les puissances occidentales d'une part et l'Union soviétique de l'autre. La persistance de l'occupation de l'Autriche est due à cet état d'esprit, lequel est l'expression même du désir de chaque puissance victorieuse de conserver à son choix sa sphère d'influence militaire, ôtant ainsi à l'Europe toute possibilité de vivre réellement en paix. Mais enfin, monsieur le vice-chancelier, pensez-vous que les puissances occidentales n'ont pas le désir de voir l'Autriche complètement libre? J'ai la certitude que les puissances occidentales ont un tel désir. Mais alors, pourquoi la libération n'est-elle pas encore chose faite? À mon avis, l'Union soviétique désire avant tout se sentir en sécurité sur ses frontières. Aussi, je présume qu'elle s'opposera à toute solution aussi longtemps qu'elle ne s'estimera pas en totale sécurité. Et que pense de cela l'Autrichien moyen? L'Autrichien a la certitude qu'il a droit à sa liberté hors de toute divergence entre les alliés. Il ne peut admettre que cette divergence qui existe doive peser sur ses épaules. Aussi estime-t-il que sa libération doit intervenir aussitôt que possible, et cela indépendamment des solutions qui pourront être apportées à tous les autres problèmes internationaux. Et j'ajouterai que l'Autrichien a peine à comprendre qu'une parole donnée solennellement ne soit pas respectée. Chapitre 3. Des pays charognards. Quand il n'y avait qu'un seul ennemi, tout était bien plus clair. En liant leurs forces contre l'Allemagne nazie, les Alliés mettaient quelque peu de côté leurs antagonismes, mais dès le début de l'année 45, il faut, côté Occident, parer au plus urgent pour repousser le plus loin possible la menace des puissances de l'Axe. Le semblant de cohésion affiché à Yalta n'est déjà plus qu'un vague souvenir lors de la conférence de Potsdam. Bien trop vague ces accords de Potsdam, avec leur dénazification de l'Allemagne, la question des réparations, ils ne sont pas de nature à offrir aux alliés les moyens de trancher les différends qui naîtront de leur application. C'est ainsi que l'URSS, qui sort exsangue de sa lutte contre l'Allemagne, transforme très vite sa zone d'occupation en zone de pillage. Pour Churchill, la chose est entendue, l'autre côté s'appelle désormais le rideau de fer. La disparition de Staline laisse espérer un dégel des relations internationales. Et c'est dans ce contexte que s'ouvre la conférence des ministres des Affaires étrangères qui se tient à Berlin en 1954. Et c'est dans cet état d'esprit d'optimisme que veut être le chancelier autrichien Julius Raab. L'Autriche s'attend à ce que la conférence de Berlin permette de surmonter le litige qui s'était manifesté lors des négociations sur le traité d'État autrichien. Il pourrait être d'autant plus allégé que l'accord s'était déjà fait sur la plupart des articles du traité et qu'il ne restait seulement qu'à planir des divergences de peu d'importance. Le succès des négociations était certainement fonction de la bonne volonté de tous les participants, comme de la suppression de toutes les questions n'ayant rien à faire avec le traité d'État. Comme l'on sait, ce fut finalement la question de Trieste qui fut mise en avant au cours de la discussion. Nous refuserons à la conférence de Berlin que le traité d'État soit lié à d'autres problèmes internationaux. La détente de la situation internationale, comme elle s'est manifestée, sans nul doute, ces derniers temps, autorise à l'espoir que la conférence de Berlin se déroulera a priori dans une atmosphère de disposition à l'entente. Cette condition préliminaire favorable ne pourrait mieux être mise à profit qu'en accordant un privilège au traité d'État autrichien dont la conclusion serait considérée dans le monde entier comme un pacte pacifique. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la petite république autrichienne et ses 7 millions d'habitants ont vu la capitale, Vienne, coupée en quatre par l'occupation alliée. 10 ans d'occupation avant que le 15 mai 1955, au terme de longues négociations, l'Autriche ne finisse par récupérer une souveraineté complète. En cette période de guerre froide, cette Mitteleuropa est décidément l'objet d'âpres marchandages. Côté Occident, on essaie de tenir l'URSS à bonne distance. Côté URSS, on n'est pas décidé à abandonner une position stratégique tant que l'Allemagne n'est pas neutralisée. Un traité est donc signé en ce mois de mai 1955, dans lequel l'Autriche s'engage à ne rejoindre aucune alliance militaire et n'accepter aucune base militaire étrangère sur son territoire. Le traité stipule également qu'aucune annexion n'est possible entre l'Autriche et l'Allemagne, que l'Autriche n'a le droit ni de fabriquer, ni même de posséder des missiles ou des armes nucléaires. Autre aspect qui n'aidait pas l'économie autrichienne à surmonter ces difficultés, était que l'URSS s'entendait être dédommagée des entreprises allemandes confisquées après-guerre et elle entendait être dédommagée par des livraisons de pétrole brut autrichien. Dès le mois d'août, les soviétiques cèdent le contrôle des puits de pétrole et des quelques 300 entreprises allemandes qu'ils avaient ainsi réquisitionnées. Et en octobre, toutes les troupes militaires d'occupation se retirent du pays. Chapitre 4. Et un ballon d'oxygène pour la 4. Heinz. Cette année 1955 est donc une année importante pour l'Autriche puisqu'elle voit en même temps son entrée aux Nations Unies. Encore un coup de collier et au début des années 60, l'Autriche parvient enfin à s'acquitter de sa dette envers l'URSS. Dans le même temps, et afin d'affirmer un peu plus son statut, elle participe à la signature d'un traité créant l'Association européenne de libre-échange, L'Autriche pointe le bout de son nez du côté de l'Europe, mais il lui faudra patienter encore un petit peu. Côté politique, on est bien loin du parti unique d'avant-guerre. Élection après élection, les gouvernements forment des coalitions et se maintiennent à coups de majorité des plus restreintes avant de tomber et d'attendre leur tour pour la suivante. L'Autriche ne connaîtra réellement d'essor affirmé que sous l'ère de Bruno Kreisky dans les années 70. Kreisky se démarque de ceux qu'il précède en refusant le principe de ces coalitions qu'il juge incertaines, fragiles et pratiquement ingouvernables. Et c'est avec un petit gouvernement qu'il va entraîner l'Autriche vers une modernisation forte et une élévation du niveau de vie à laquelle n'osaient croire tous ceux des Autrichiens qui gardaient en mémoire les famines d'après-guerre. Treize ans au sommet de l'Autriche et la litanie de l'usure du pouvoir, des scandales financiers, sans compter un projet d'augmentation des taxes et l'implantation d'une centrale nucléaire à proximité de Vienne, Bruno Kreisky est mis sur la touche en 1983. Pour succéder à cette haute figure de l'Autriche d'après-guerre, ils sont quelques-uns. Mais l'Autrichien dont on va désormais le plus parler au cours de la décennie 80 va être l'ancien secrétaire général des Nations Unies, un certain Kurt Waldheim. C'était Histoire vivante. Documentation et archives à la Radio Suisse romande, Jean-Marc Julien. Programmation musicale, Yves Lenzi. Réalisation, David Golan. Voix féminine et assistance à la production, Daniel Zacker. Équipe de production à la TSR, Irène Chaland, assistée de Corinne Rochat. Une émission de Jean Leclerc. À demain pour d'autres chapitres. Proposée par Jean Leclerc. Réécoutez podcast sur histoirevivante.ch. La première, 14h.